vin. Je voudrais que tu saches que je t'aime tant. Oui, c'est ma vérité. Je voudrais te dire toute la vérité, que je t'aime, Seigneur, du fond de mon cœur, je t'aimerai. Le moment, la situation, quel que soit le temps, je te resterai fidèle. Toi qui es bon pour moi, tout pour moi, toi l'amour infini, je voudrais que tu saches que je t'aime tant, voilà ma vérité. Je voudrais te dire toute la vérité. Seigneur, et ce n'est que le début. Je voudrais te dire toute la vérité, que je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, du fond de mon cœur. Je t'aimerai toujours.